Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler des castors de Dolbeau avec Robin Bouillard. Les castors, il y a deux semaines, étaient en congé, donc il n'y a pas eu de chronique la semaine passée, mais là, ils ont repris du poil de la bête cette semaine, et ça a été une victoire, une défaite. Première victoire de l'année pour la formation de Robin Bouillard. Ils ont gagné contre les Saguenay de Chicoutimi. Salut Robin! Salut Danny! Robin, d'abord, si on revenait sur le premier match, une défaite de 7-5 contre les Orioles de Jonquière dans un festival très, très offensif. Oui, festival offensif, c'était un petit peu plus difficile pour nous défensivement. Mais disons qu'on a repris nos valeurs, notre identité, c'est-à-dire qu'on a, vu une équipe des Castors qui ont travaillé pendant trois périodes. Comme je disais, d'entrée de jeu, là, c'est plus la défensive qu'on a fait des ratés, des erreurs qui nous ont coûté des buts importants. OK. Donc, dans ce match-là, ben, faites noter, dans cette rencontre, on va y aller avec ceux qui se sont signalés. Entre autres, t'as 4 passes pour Philippe Pécha, 3 passes pour Zachary Baudet-Grimard, 2 buts de Philippe Leroyer et 1 but de passe pour Olivier Dubé. Et dimanche, dans un autre match au complexe sportif du secteur de Dolbeau, là, ça a été une victoire de 3-2. Oui, en plein ça, donc on a resserré un peu les choses en défensive, ça a beaucoup mieux été. On a toujours gardé notre échec avant, donc on a eu raison des Saguenayens. 3-2, un match complet pendant trois périodes, autant défensivement qu'offensivement, puis une bonne prestation aussi de notre gardien, là, Alexandre Lancet. OK, donc... Dans les deux parties, je suis content du niveau d'intensité des jeunes, puis de l'attitude des jeunes, surtout dans la partie de dimanche. Okay. En fait, ça a apporté une différence là, au résultat final. Philippe Leroyer, 2 buts encore une fois, et également noté 1 but pour Philippe Leroyer. Dans le cas de Philippe Pécha, 2 buts, Robin, il est en feu. Est-ce que Leroyer et Pécha jouent sur la même ligne? Sur le même trio, je vous dirais que c'est des vétérans. Ils ont pris les choses en main. Puis on a besoin de nos vétérans. Tel va aller nos vétérans, tel va aller notre équipe. Je pense qu'on a des bons vétérans. S'ils donnent le tempo, les recrues vont suivre. Puis, ils sont d'une très bonne période. Je suis très content à tout le moins des deux dernières parties de l'intensité et de l'attitude qui apporte à l'équipe. OK. En fin de semaine, un seul match? Oui, un seul match contre les Marquis à Jonquière, samedi soir à 6h30. OK, les Marquis qui sont jusqu'à maintenant, sont au sixième rang de la Ligue, 13 points. C'est un match quand même important. Oui? Excuse-moi, Danny, je suis en train de t'induire en erreur. C'est les Orioles. C'est les Orioles de Jonquière, OK. OK, donc... Les Orioles, je regarde le classement actuellement, les Orioles qui sont au quatrième rang avec 15 points, c'est quand même assez serré quand on regarde ça. Évidemment, on est en début de saison. Les joueurs à surveiller, c'est Lantaigne, Riverain, il y a également Marc-Alexandre Simard. 3 bons joueurs. Oui, on a 3 bons vétérans, puis un Mathieu Larouche aussi. Aussi une recrue qui se démarque bien aussi. Mais de toute façon, peu importe contre qui on joue, je pense que on doit être à notre meilleur et travailler pendant trois périodes, sinon on risque d'avoir des surprises, c'est sûr. Effectivement. Ben, Robin Bouillard, un gros merci. Bonne chance pour le match d'en fin de semaine contre les Orioles à Jonquière. Voilà. Merci. Donc, l'instructeur-chef des Castors de Dolbeau, Robin Bouillard.